des angles, déchirés par la vie, le doute vient nous assaillir. Je ne sais plus te mentir, je ne sais plus te mentir, je ne sais plus te mentir. Si tel devait être le cas, lequel de nous deux serait déguisé sous ses pas, l'ombre d'un adieu. Si tel devait être le cas, lequel de nous deux serait déguisé sous ses pas, l'ombre d'un adieu. Yeah.